الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous poursuivons dans notre cours et ce dars inshallah concernera la quatrième annulation. الناقد الرابع. Donc قال شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الرابع من يعتقد أن غير هدى محمد أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. Donc c'est le fait d'avoir pour croyance qu'une guidée autre que celle de Mohammed est plus complète que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur que le sien. Comme celui par exemple qui préférerait le jugement des Taharut sur son jugement à lui. Alors celui-là est un kafir. Pour commencer, on dit, il convient de savoir que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jugement d'Allah. La sunna est une révélation divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, mayantiku anil hawa, il ne parle pas sous la passion. Ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce qui vous a interdit, alors délaissez-le. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala yakul, فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, d'une croyance parfaite, tant qu'ils ne jureront pas entre toi sur ce qui, parmi leurs litiges. Ensuite, qu'ils ne trouvent rien en eux comme aversion de ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, man yuti rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Et cela également est venu dans un hadith de Abi Hurayra radhiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallam a dit, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Celui qui m'a obéi a certes obéi à Allah, et celui qui m'a désobéi a certes désobéi à Allah. Donc ce sujet là rentre dans quoi? Min bab man la yahkum bima anzal Allah, de celui qui juge pas autre que ce que Allah a fait descendre. Car la sunna est une révélation. La sunna wa hukm Allah. La sunna est le jugement d'Allah. Wa anzal Allah 'alayka al-kitaba wa al-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allah 'alayka 'azima. Et Allah fait descendre sur toi le livre et la sagesse, hikma, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi était énorme, était considérable. Donc là, dans le verset, elle hikma, voyez, la sagesse, elle était expliquée comme étant la sunna, comme cela est venu dans beaucoup d'autres versets. Elle hikma, dans le Coran, souvent, a pour sens la sunna. Donc nous reprenons en lisant les paroles, la traduction des paroles de Cheikh Fawzan, hafizahullah ta'ala. Yaqul, il dit, min anwa aridda al-hukm bi ghayri ma anzal Allah. Parmi les genres d'apostasie, le fait de juger par autre que ce que Allah fait descendre. Il y a taqada anna hadha al-amr mubahun. S'il croit que cette chose-là est permise, c'est-à-dire de juger par autre que ce qu'Allah fait descendre, il a pour croyance que cela est permis. Wa annahu yajuzu an yahkuma bi-shari'a wa yujawwiz an yahkuma bil-qawanin wa yaqulu al-maqsudu hal al-niza'at. وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة فالأمر متساوين. Donc c'est comme si par exemple il permettait de juger avec la charia, tout comme il permet de juger avec les lois par exemple, les lois pénales, les lois données par les hommes. Et il dit le but dans tout cela est juste de défaire le litige, de dénouer les litiges entre les gens, et cela se produit avec les lois tout comme cela se produit avec la charia. Les deux choses sont égales. Donc celui qui dit ça, voyez, apostasie. Celui qui dit ça et qui a pour croyance cela, apostasie. Nakul, nous disons, Subhanallah, tajal hukm al-tarut, misl hukm Allah, mettrais-tu le jugement du tarut comme le jugement d'Allah, wa tahkim shan'illahi ha'adi ibalatun lillah. Le fait de juger par le jugement d'Allah, cela est une adoration auprès d'Allah. Laysa al-maqsudu minhu faqat hil al-niza'at. Cela n'a pas seulement pour but de dénouer les litiges, c'est une adoration. Donc le but en cela est une adoration en appliquant les jugements d'Allah. Et le jugement pas autre que lui est du shirk. Et une association dans l'obéissance, tout comme dans le jugement. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce que Allah n'a pas permis? Et si vous leur obéissez, vous êtes également des mushrikoun. Et ils prirent leurs rabbins et leurs moines en guise de Seigneur en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Maryam. Il est colihi, subhanahu amma yushrikoun, qu'il soit exalté au-dessus de ce qu'il lui associe. Fasammahu shirka, donc Allah a nommé cela comme étant du shirk. Fallazi yusawi bayna hukmi Allah wa hukmi al-ta'ghut, donc celui qui égalise entre le jugement d'Allah et celui du ta'ghut, wa al-ta'ghut al-muradu minhu, kullu hukmin ghayri hukmi Allah. Et ce qui est voulu par le ta'ghut, là, c'est tout jugement autre que celui d'Allah. Sawa'un awa'id al-badiyah, que cela soit les taxes de campagne ou les coutumes de campagne, ou anzimatul kuffar, ou les organisations des kuffars, ce qu'ils ont mis en place, ou kawanin al-faransi ou l'inglisi, ou les lois françaises ou anglaises, ou adat al-kaba'il, ou les coutumes des tribus, kullu hadha ta'ghut wa hadha tahkimu al-kuhan, et tout cela est du ta'ghut et le jugement des kuhan, yani aux devins. Naam. Et tambih à faire, yani, et cela entre dedans, bien sûr, la démocratie, qui est le régime principal, le régime qui est mis en place en France et dans beaucoup d'autres pays. La démocratie est de ta'ghut. C'est un ta'ghut de ta'ghut. Il n'est pas permis d'y participer, et il n'est pas permis de la griller. Donc cela, il en découle de cela l'interdiction des élections, ni présidentielles, ni régionales, ni rien du tout. Ni même dans quoi que ce soit entre les frères ou dans quelque situation que ce soit, il n'est pas permis de voter, et les adillas sur cela sont clairs. Et également, la démocratie, nous pouvons également dire le communisme, le socialisme, le barthisme, toutes ces choses-là. Vous voyez, tous rentrent là-dedans. Et tout cela est un jugement par autre que ce que Allah a fait descendre, et cela, le jugement du ta'arut. Donc, qu'on y prenne garde. Non. Donc, nous reprenons avec les paroles du Shir. Il dit, فَالَّذِي يَقُولْ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ كَافِرٌ. Celui qui dit que les deux jugements sont égaux est un kafir. وَشَدْ مِنْهُمَا يَقُولُ. Et pire que cela, celui qui dit, إِنَّ الْحُكْمَ بِغَيْلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَحْسَنُ مِنَ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهَذَا أَشَدْ. Donc, pire que cela, celui qui ose dire que le jugement que autre que ce qu'Allah fait descendre est meilleur que le jugement d'Allah. Celui-là est encore pire. فَالَّذِي يَقُولْ النَّاسُ مَا يَصْلَحْ لَهُمْ الْيَوْمَ إِلَّا هَذِي أَنْزِمَهُ. Donc celui qui dit qu'à notre époque, il ne convient pas aux hommes, si ce n'est ces nouvelles lois, « مَا يَصْلَحْ لَهُمْ الشَّلَ. Et que la législation ne leur convient pas. الشَّلَ مَا يُتَابَقْ لِهَذَا الزَّمَنِ. Vous voyez, que le char, la législation religieuse, ne convient pas à cette époque. وَلَا أَيُسَايِرْ الْحَدَارَ. Et que cela ne s'adapte pas à la vie moderne. مَا يَصْلَحْ إِلَّا تَحْكِيمِ الْقَوَانِينَ. Qui ne convient pas si ce n'est le jugement des lois. وَمَسَايَرَةُ الْعَالَمِ. Et l'avancée du monde, c'est-à-dire le modernisme. تَكُونَ مَحَاكَمُونَ مِسَ مَحَاكَمْ الْعَالَمِ. Que nos points de retour de jugement, c'est-à-dire nos tribunaux, soient les mêmes que ceux du monde. هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ. Et cela est meilleur que le jugement d'Allah. هَذَا أَشَدُ كُفْرًا مِنَ الَّذِي يَكُولُ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَحُكْمُ غَيْلِهِ مُتَسَاوِيَانِ. Donc cela est une mécréance plus grave que celui qui dit que le jugement d'Allah et celui d'autrui sont égaux. أَمَّا إِذَا حَكَمَا بِغَيْلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِيَهَوَى فِي نَفْسِي. Donc par contre, s'il juge par autre que ce que Allah fait descendre, par une passion qu'il aurait en lui, أَوْ جَهْلٍ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, ou qu'il ignore ce que Allah fait descendre, وَوَيَعْتَقِدْ أَنْ حُكْمَ اللَّهِ وَالْحَقِّ, et qu'il a pour croyance que le jugement d'Allah est la vérité, وَهُوَ الْوَاجِبُ, et qu'il est obligatoire, فَهَذَا فَعَلَ كَبِيرَةً مِنْ الْكَبَائِرِ. Donc celui-là aura appliqué un grand péché parmi les grands péchés. وَذَلِكَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Et ceci est une mécréance, yani autre que la mécréance, c'est-à-dire du kufr asrar. C'est-à-dire du kufr asrar. Et de là, une faïda, il se peut que des gens disent, parmi des contestataires, qui disent, qui a fait cette division entre le kufr asrar ou le kufr akbar? Quelle preuve avons-nous que le kufr peut être ou moindre comme qui peut être plus grand. Ça y est. Donc là, par exemple, nous avons donné un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud. Radiallahu anhu. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala sibab al-muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le muslim est une perversion, fusuk, perversion, et le combattre est du kufr. Donc quel est le sens voulu par kufr ici? Est-ce que le fait de combattre un muslim fait sortir de l'islam? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconciliés entre eux. Allah dit Ta'ifatan minal mu'minin, il dit deux groupes parmi les croyants. Donc de là nous voyons que Allah n'a pas jugé comme le combat entre entre croyants soit du kufr. Là nous parlons de quoi? Du qital, du combat entre deux groupes de musulmans, deux groupes de croyants. Cela ne fait pas sortir l'islam. Et pour preuve, tout le monde connaît l'histoire qu'il y a eu entre Ali Ranou et Muawiyah. Aucun d'entre eux n'a mis cru. Ça y est. Les savants disent que la vérité est avec Ali, cependant Muawiyah n'a pas fait d'eux ou suivi de passion. Il a ijtihada fi mas'ala. Ça y est. Muawiyah a fait un ijtihad dans ce qu'il voyait comme étant la vérité. Son but n'était pas de faire le suivi de passion ni rien du tout. Et pourtant, il y a eu combat entre deux groupes de musulmans, et ce n'est pas pour autant qu'il y ait du kufr qui était produit, qui s'est produit entre les deux. Personne n'a été rendu mécréant pour cela. Voyez. Et si un juge, voyez, fait un effort de compréhension et qu'il a raison, il aura de récompense. Et s'il se trompe, il n'aura qu'une récompense. Non. Donc cela, ce hadith est une preuve que la mécréance, le mot kufr, ne veut pas forcément dire mayukhrij min al-millah, ce qui veut sortir de la communauté. Non. Donc, en fait, le récapitulatif de ces points exposés dans ce Naqid al-Rabi'a, dans cette quatrième annulation, c'est que le jugement par autre, le jugement de autre que ce que Allah fait descendre, est de deux sortes. Ma huwa kufr akbar, ce qui est de plus grande mécréance, wa kufr asrar, ce qui est de mécréance moindre, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, le kufr akbar est de quatre situations. La première, qu'il méprise l'ordre d'Allah ou qu'il le déteste, même s'il l'applique. Voyez, même s'il l'applique. Et cela, Inch'Allah, revient au Naqid al-Khamis, comme cela va venir, Inch'Allah. Donc celui qui tombe là-dedans, tombe dans le kufr akbar. Également, qu'il ait pour croyance que le jugement d'autre que Allah, voyez, est égal au jugement d'Allah. Donc celui-là, pareil, il aura mécru. Également, celui qui a pour croyance que le jugement d'autre qu'Allah est meilleur que le jugement d'Allah. Car celui qui aura fait ça aura démenti le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, afa hukma al-jahiliyyati yabghun, wa man ahsanu min Allah hukma liqawmin yuqinun. Est-ce le jugement de la jahiliya qu'il recherche, et qui est donc de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui a la certitude? Et également, Allah subhanahu wa ta'ala yakul, awalaysa Allah bi ahkam al-hakimin. Et n'est-ce pas Allah le meilleur des juges? Naam. Donc celui qui dit que le jugement d'autre qu'Allah est meilleur aura démenti le Coran, donc cela est du kufr akbar. Également, quatrième situation, qu'il rende licite, tayyib, le fait de juger par autre que ce que Allah fait descendre. Qu'il le rende licite, qu'ils disent que cela est halal. Par exemple, ils disent, voter, c'est halal. La démocratie, c'est permis. Et qu'il a pour croyance cela. Bien sûr, tout en ayant connaissance de la démocratie, de tous ses points, de tous ses côtés, comment elle est, ce qu'elle représente réellement. Voyez. Wa dalil la zalika, la preuve de cela est la parole d'Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulai kumul kafirun. Et celui qui ne juge pas parce qu'Allah fait descendre, celui-là est un mécréant. Et fi ayat ukhra, wa ulai kumul zalimun. Et ceux-là sont les injustes. Dans un autre verset, wa ulai kumul fasiqun. Et ceux-là sont les pervers. C'est-à-dire, yani azm al akbar, tayyib. Nu'id, al kufr al akbar, tayyib. Le plus grand kufr, al-zulm al-akbar, le plus grand zulm, ou al-fisq al-akbar, le plus grand fisq. Naam. Donc de là nous voyons l'importance de s'accrocher aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les appliquer et de les suivre et d'avoir pour croyance qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Allah est notre créateur et Allah sait exactement ce qui convient à l'être humain, ce qui convient à ses créatures. Il a fait descendre son livre et envoyé ses messagers pour nous dire et nous démontrer comment l'adorer et comment suivre la voie afin qu'il y ait une réforme sur terre. Donc, il nous convient à nous de nous soumettre. Nahnu muslimun, nous sommes des soumis, des muslims, des soumis. Nous n'avons pas à nous avancer et à faire autre chose que ce que Allah nous a ordonné. Avec ceci se termine l'annulation, la cinquième annulation, qui est le fait de juger par autre, ou du moins qui est le fait de penser qu'une idée que autre que celle de Mohammed est meilleure que la sienne. Ce qui revient à dire que à juger par autre que ce que Allah fait descendre. Nous allons rentrer maintenant dans Al-Naqid al-Khamis. Vous voyez, la cinquième annulation. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit Al-Khamis Man abrada shay'an mima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law 'amila bihi kafar. Donc celui qui déteste ou qui a pour aversion une chose par laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique, celui-là aura mécru. Donc comme on l'a précisé, voyez, ce naqid, cette annulation revient à la précédente. Voyez, elle a un lien fort avec la précédente. Naam. Awalan al-bu'd. Voyez, al-bu'd. L'aversion yani le karaha, comme il appelle, l'aversion, la répulsion, est de deux catégories. Karahatun tabi'iyya, tayyib, une aversion naturelle, wa karahatu lil-shara, et une aversion pour la législation. Awalen, premièrement, l'aversion naturelle. C'est comme le fait qu'un homme, par exemple, yani, subisse une certaine difficulté, et une appréhension face à une adoration. Cependant, cette aversion qu'il aura n'est pas pour l'adoration en elle-même, mais pour ce qui en découlera comme conséquence sur son corps, sa santé, ou sur son humeur ou autre. Par exemple, un homme se lève le matin pour salat al-subh, en hiver. Vous voyez, celui-là, il faut qu'il fasse l'eau d'eau. Et l'eau, elle est froide. Donc forcément, cela va causer une certaine répulsion naturelle à son corps du fait qu'il va mettre en contact son corps avec de l'eau froide. Alors qu'il vient de se réveiller et qu'il a froid. Cela, clairement, aura une certaine répercussion sur lui qui fasse qu'il aura du recul. Vous voyez ? Il aura une certaine aversion. Mais cette aversion n'est pas pour l'adoration elle-même, mais plutôt pour le froid et ce que cela va engendrer sur lui. Donc cela, cette karahara, vous voyez ? Elle karaha, elle tabi'iyya, elle ne fait pas sur l'islam. Et elle est naturelle. Ou la preuve, c'est la parole d'Allah quand il dit Kutiba alaykum al-qital wa kuruhun lakum. Voyez, le combat vous a été prescrit, cependant il vous est détestable. Pourquoi? Non pas le fait de détester le jihad pour lui-même, mais du fait que l'être humain aime le repos, aime la paisibilité, aime la sécurité, aime le confort. Et le jihad est le contraire de tout cela. Le jihad, il faut faire l'effort, le jihad, il faut se fatiguer, le jihad amène à la peur, le jihad amène à affronter la mort. Donc cela forcément aura une forme de répulsion sur la nature première de l'homme. Cela ne veut pas dire qu'il déteste le jihad en lui-même pour l'adoration. C'est une adoration d'homme. Vous voyez, parmi les meilleurs. Cependant, son âme ressentira une certaine aversion par rapport à cela parce que cela s'opposera à quoi? À ses passions, à ses désirs, ou à son prochain naturel, qui est le repos. Donc cela est al-karaha et tabi'iyya. C'est l'aversion naturelle. Et celle-ci ne fait pas sortir de l'islam. Et également, parmi les preuves que cela est venu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hujibat al-nar bil shahawat, wa hujibat al-jannah bil al-makarih » que le feu ou l'enfer a été recouvert par les plaisirs charnels et que le paradis a été recouvert par quoi? Par les choses détestables. Donc cela est une preuve encore que quoi? Que l'être humain a des choses qu'il déteste, mais non pas pour elle-même, mais pour ce que cela va engendrer sur lui comme difficulté. Voyez? Et le paradis, il est connu. Même s'il est proche d'un lacet, le feu aussi est proche d'un lacet. Et le paradis demande des efforts. Beaucoup d'efforts. Et l'homme aime se reposer, aime se laisser aller. Donc de là est venue cette karaha al-tabi'iyya, cette aversion qui est naturelle. Maintenant, il y a le karaha al-shala, c'est la deuxième. Le fait de détester quelque chose qui a un lien avec la législation, et détester la chose pour elle-même. Et cette karahara, ce bourde, celui-là, fait sortir de l'islam. Comme le contraire de ce que nous avons cité comme exemple, ce même homme se lève le matin pour faire le salat de Fajr. Vous voyez, il va faire le dos. Et au fond, lui, il dit, mais qu'est-ce que je vais mouiller de l'eau froide et tout? Pourquoi je vais faire ça? C'est quoi la faïda de faire le dos, de me mouiller avec de l'eau froide, de faire salat? Et au fond, lui, il déteste cela. L'eau d'eau et la salade, de faire de celui pour faire salade. Il déteste cela pour la salade en elle-même et l'eau d'eau en lui-même. Celui-là, aura détesté une chose, min shar'illah, de la législation. Donc ses actions seront annulées. Il se verra sortir de l'islam et aura apostasié. Et la preuve de cela, vous voyez, c'est la parole d'Allah. ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Et cela, pourquoi? Parce qu'ils ont détesté ce que Allah fait descendre, alors il aura annulé leurs œuvres. Déteste la vérité. Donc de là, nous voyons quoi? Que cette karaha-là se borde, taïeb, de fait de détester une chose qui a un lien avec la religion, de ce que Allah fait descendre, cela fait sortir de l'islam. Donc là, nous prenons avec la parole du Shaykh Fawzan, hafizallahu ta'ala. Al-Khamis min nawaqid al-Islam. Donc le cinquième annulation parmi les annulations de l'islam. Man abada shay'an mimma ja'a bi ar-rasul. Celui qui vient, qui déteste une chose par laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons déjà précisé dans le naqid précédent que ce que, par quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que révélation, donc provient d'Allah également. Provient d'Allah également. Naam. Fabourd ma ja'a bihi ar-rasul ridda. Donc le fait de détester ce que, ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela est de l'apostasie. Et même s'il l'applique, même s'il le fait, ce qu'il y a dans son cœur, Allah le sait, et cela le fait sortir de l'islam. Cela parce qu'ils ont détesté ce que Allah fait descendre, alors il aura annulé leurs œuvres. Et le dégoût, c'est l'aversion. Et cela est une apostasie, même s'il l'applique. Et il l'aura mécru. Et cette aversion qu'il a dans son cœur est une mécréance. Et même s'il applique, en apparence. Cela pourquoi? Parce qu'ils ont détesté ce que Allah fait descendre et il a annulé leurs œuvres. Et par exemple, nous voyons qui? Comme pur exemple de ce cas-là, Al-Munafiqoun. Al-Munafiqoun, il faisait salat. Al-Munafiqoun faisait le djihad. Al-Munafiqoun appliquait plein de choses à l'islam. Et cependant, ils détestaient ça dans leur cœur. Donc ce qui fait que quoi? Ils n'étaient pas considérés comme étant des musulmans. Donc de là à nous, de faire attention à nos niyas et à nos pensées, même des fois à des paroles, comme cela viendra dans Istizabidin, la moquerie dans la religion. Faire attention à tout cela, tayyib, et se rappeler qu'Allah il nous voit, comme dans l'Irsan. Et l'Irsan, c'est savoir qu'Allah il te voit. Et Allah, il sait ce qu'on contient des poitrines. Donc à nous de faire attention et de demander à Allah qu'il nous accorde l'ikhlas. Qui nous accorde quoi? Al-Thabet, la fermeté sur la Sunna et sur l'islam, qui nous fasse mourir sur la religion de l'islam, la vérité. Wa naktafi bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin.